J'ai un plan B mais tu le sais pas, les tu prends millionnaire des 7 pas. Tête mes gras, fistoff, légende, ton yonf qui est gras. Quand le pet est gras, je suis à la barrière avec mes alliés. La lame peut tes plans est détaillé. On parle pas aux condés, on parle pas aux putes. On cache des armes quand l'armée recrute. Les tuins trahissent au poste de police. J'ai mis à gauche pour les temps de crise. On court après le méga bénéfice. La quiche t'a désert du 666. On a réussi avec brio. Le dos doit le savoir d'un griot. Viens, tout se passe au télo. Le te snapper seul dans ta vieille Clio. Pain GG pour les petites coupures. On fume ce qui se fume, on fait pas de cure. Elle veut partir vers un ciel azur. Elle kiffe sur moi, moi je kiffe sur la hure. J'ai tout vu comme Magellan. J'ai mis des deux go, j'ai mis la gueulant. Génie civil dans le bâtiment. J'ai tous les deux go comme un gérant. Hey, dis la vérité, adieu. Hey, donne de l'argent aux baveux. On veut des poignards sans cas. Faut que ça prie, qu'on sent les hagas. Tout le cheminement du taga. Vis la piscine Malaga. Si on réussit sans se faire péter, c'est roue arrière illimitée. Roue arrière illimitée. Roue arrière illimitée. Si on réussit sans se faire péter, c'est roue arrière illimitée. C'est pas bien mais c'est pour le mangement. Détail, réception, chargement. Si on réussit sans se faire péter, c'est roue arrière illimitée. Il fait chaud, la moula est fonce des tutes libres devant des grosses folles. Sauf pour du papier, toutes les couleurs. Le vrai guerrier n'ouvre jamais son cœur. T'as pas encore compris ma mentale. On mise que sur ce qui est rentable. Et lui il a dit qu'elle a entendu. Que lui il a dit tout ça je m'en tape. On rentre que dans les plus grosses enseignes. Si des mecs nous cherchent, faut bien qu'ils se renseignent. Même le tapis rouge déroulé, la cible doit être toujours verrouillée. Nous deux dans la gâtie. Des fois ça peut se gâter. Ils veulent détruire ce qu'on a bâti. J'ai toujours mon kaki. Sans la boca, on est déclassé. Pas de floco si on s'est déplacé. Ça va trop loin, peut plus l'arranger. Si c'est réglé, comment ils vont manger? 80 E13 sur le dracard. Clique debout dans la bagarre. Même plus je te cala, toi t'es bloqué comme un bourré de la gare. Hey, dis la vérité, adieu, hey. Donne de l'argent aux baveux, hey. On veut des poignards sans cas. Faut que ça prie, qu'on sent les hakas. Tout cheminement du taga. Vis la piscine malade.